qu'une vie. Et que squatter sur le banc, ça passe le temps, mais ça vaut pas une bille. Ne laissez pas aux petits trop de fil à retordre. Certains mènent déjà des vies hardcore. L'espoir fait vivre, mais beaucoup sont mortaux. Et hormis le bruit des rails, j'entends le chant des corbeaux. Trop, beaucoup trop de mères anxieuses, elles aimeraient qu'on sollicite leurs fils. Car la réussite est silencieuse. Et l'échec fait trop de bruit quand il s'introduit. Ça finit mal ici, c'est pas Walt Disney qui produit. Relève la tête, va pas te noyer dans ton malheur, sœur. Mon message va pas t'envoyer en galère, frère. Fais tout pour que ton petit ref ne se drogue pas. Qu'il pète le score, qu'il fasse du sport comme Didier Drogba. Maintenant t'es au courant, dehors c'est le Delport. Fais pas le fou, suffit d'un coup pour te mettre échec et mort. Échec et mort. Échec. Mort, échec, mort, échec, mort, échec, mort, échec, mort, échec, mort, échec, mort. On maîtrise pas le taux de haine, tout le monde veut te plomber ton moral. Tu prends pas de drogue, t'as de la veine et d'autres produits par voie orale. On s'est déjà tous pris un mur, on sait ce que c'est de perdre le nord. J'avance mon pion face à la U, je veux pas finir échec et mort. On maîtrise pas le taux de haine, tout le monde veut te plomber ton moral. Tu prends pas de drogue, t'as de la veine et d'autres produits par voie orale. On s'est déjà tous pris un mur, on sait ce que c'est de perdre le nord. C'est une partie contre la U, je veux pas finir échec et mort. Ceux qui luttent, qui jamais ne capitulent. Dors les yeux ouverts, ainsi le danger reste en visu. Si l'avenir plus la défaite, que quelqu'un me casse le zène. De drame et de perte, car on ne sort pas d'une guerre indemne. Moi, j'ai passé l'âge de mes conseillers. Placé pourtant ma rage et dégoupillé. Il faut que tu saches, m'amène, qu'on est des terres. Que si le succès a une couleur, t'inquiète, on a les couilles pleines. Si t'as des buts, persiste. Et n'oublie pas que les épreuves forgent plus qu'elles ne détruisent. Que l'amertume, aussi dérisoire soit-elle, inéluctablement laisse des séquelles. Que les vrais bonhommes souffrent mais le taisent. Que les pessimistes sombres et s'immergent. Qu'on croit grandir mais qu'on fane. Quand la colère tient les rênes, on croit avancer mais on stagne. C'est pourquoi il faut être maître de soi-même. Canaliser ses pulsions si à notre perte elle nous mène. Patience est en mer de toute vertu. Fais front faute de finir sur les rotules. Éprouver car à chacun ses combats. Moi je mène le mien, des traces de lutte dans le crâne. Nous on se relève d'un échec, le sort entre les mains car l'espoir a pris perte. On maîtrise pas le taux de haine, tout le monde veut te plomber ton moral. Tu prends pas de drogue, t'as de la veine et d'autres produits par voie orale. On s'est déjà tous pris un mur, on sait ce que c'est de perdre le nord. J'avance mon pion face à la U, je veux pas finir échec et mort. On maîtrise pas le taux de haine, tout le monde veut te plomber ton moral. Tu prends pas de drogue, t'as de la veine et d'autres produits par voie orale. On s'est déjà tous pris un mur, on sait ce que c'est de perdre le nord. C'est une partie contre la U, je veux pas finir échec et mort. Échec, échec, mort.